Tout a commencé au Kosovo et tout a fini 10 ans plus tard dans ce même Kosovo où s'est fracassé le rêve nationaliste d'une grande Serbie. Pour la troisième semaine, M. X propose de décrypter les dramatiques événements de l'ex-Yougoslavie. Je résume brièvement. Le point de départ, c'est en effet la célébration au Kosovo en juin 1989 du 600e anniversaire de la célèbre bataille du Champ des Merles, une cérémonie grandiose où les dirigeants de Belgrade, Milosevic en tête, exaltent le nationalisme serbe et caressent le rêve de reconstruire la grande Serbie sur les ruines d'une Yougoslavie fédérale qui se morcelle après la mort de Tito. Très rapidement. Les Serbes passent à l'action au Kosovo même en abolissant l'autonomie dont bénéficiait cette province, peuplée majoritairement d'habitants d'origine albanaise, et en organisant la répression contre cette population. Puis, alors que les républiques déclarent leur indépendance les unes après les autres, l'armée fédérale, qui n'est plus qu'une armée presque exclusivement composée de Serbes, attaque brièvement en Slovénie, puis en Croatie. Le prétexte, c'est la préservation de la fédération, mais aussi la protection des Serbes présents dans les autres républiques. En Croatie, où les Serbes se créent de véritables fiefs autonomes, la guerre est terriblement meurtrière et l'on assiste au premier déplacement de population, cette monstrueuse purification ethnique qui va faire tant de victimes. Puis, le président croate Tudjman et Slobodan Milosevic, ayant conclu un accord secret, Zagreb et Belgrade se retournent vers la Bosnie-Herzégovine, une république multiethnique où jusque-là cohabitaient pacifiquement musulmans, croates et serbes. C'est le début d'une véritable entreprise de dépeçage où à nouveau il est procédé à un impitoyable nettoyage ethnique, souvent mené par des bandes de paramilitaires qui déportent, violent et massacrent, tandis que la capitale, Sarajevo, est assiégée et systématiquement bombardée. La communauté internationale, malgré l'envoi de milliers de casques bleus, assiste impuissante à ce désastre humain qui semble consacrer le triomphe de Milosevic. Non seulement ses amis serbes de la République Srpska, dirigée par Karadzic, occupent les 2/3 du territoire bosniaque, mais il est devenu un interlocuteur indépassable et il se pose même en arbitre. Toutefois, en 1994, les États-Unis, d'abord passifs, décident de s'impliquer. Et selon M. X, ce n'est pas tout à fait innocent. À Washington, les stratèges nord-américains aimeraient bien démontrer que l'Alliance Atlantique, en dépit de l'effondrement de l'Empire soviétique, est toujours utile. La suite, dans un instant, avec M. X, qui poursuit son récit de la guerre secrète dans l'ex-Yougoslavie. L'implication états-unienne dans le conflit consiste d'abord à mettre fin à la guerre triangulaire en Bosnie-Herzégovine. Oui, c'est-à-dire la guerre entre Croates, Serbes et musulmans. Et Washington use de toute son influence pour obliger les Croates de Tudjman à se réconcilier avec les musulmans d'Izetbegovic. Avec quels arguments ? Une aide économique et militaire qui devrait permettre à Tudjman de reconquérir les territoires occupés par les Serbes et à Izetbegovic de desserrer l'étau de Sarajevo. Ouais. Les États-Unis rompent donc avec la politique d'embargo sur les armes. Hein. Effectivement. Ouais, mais ils n'envoient pas de soldats. Quoi. Non, non. Toutefois, un peu plus tard, ils autoriseront l'envoi discret de mercenaires qui soutiendront les forces bosno-croates. Mais fondamentalement, pourquoi ce changement de politique de Washington ? Est-ce seulement à cause de ces généraux américains qui veulent revitaliser l'OTAN ? Il y a aussi une autre raison, et plus secrète. Les Européens, qui cherchent toujours désespérément un plan de paix, envisagent alors une partition de la Bosnie en 3 entités. Oui, c'est-à-dire serbes, croates et musulmans. Mais ça semble assez logique. Ouais. À condition de redessiner des frontières stables et reconnues par tous. Hein. Ça n'est pas évident. Mais là n'est pas l'essentiel pour Washington. Cette solution reviendrait à créer un État islamique en Europe. Ouais, cet État dont rêve le président Izetbegovic, Mabehoudi. Hein. Oui, toutefois c'est inacceptable pour les États-Unis qui, après avoir aidé les Moudjahidines afghans en lutte contre l'armée rouge, ont enfin pris conscience du danger islamiste. Par conséquent, ils font tout pour torpiller la solution européenne. Et ils arrivent à leur fin en obligeant croates et musulmans à signer un accord à Washington. Mais allons vite. Ah, pour une fois. Je vous en prie. Donc, après la signature de cet accord, Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Russie créent un groupe de contact chargé d'élaborer un plan de paix qui tienne la route, enfin. L'ONU, hein, je remarque, est donc mise de côté. Hein. Mais aussi l'Union européenne. Mmh. Ce groupe propose la partition de la Bosnie, 51% du territoire, pour la nouvelle fédération croato-musulmane et 49% pour la République Srpska, ce qui est très généreux pour les Serbes et qui ne représente qu'un peu plus de 30% de la population bosniaque. Ouais. Alors justement, ils devraient réagir bien, les Serbes bosniaques, là. Mais Karadzic refuse cette solution avec la plus grande énergie. Alors, parce que ces 49% ne lui suffisent pas. Évidemment, puisqu'il a conquis plus des deux tiers du territoire bosniaque. Ouais. Et Milosevic, son parrain politique. Ah ben lui, c'est plus compliqué. En principe, parce qu'il espère obtenir la levée de l'embargo international qui frappe son pays, il accepte le plan du groupe de contact. Et il rompt même avec Karadzic. Mais est-il sincère? Et ne continue-t-il pas à jouer un double jeu? On peut se poser la question. À moi qui n'ai vu en Karadzic un rival possible. Un rival politique, votre avis? Je suis tenté de croire au double langage. Cette apparente fâcherie avec Karadzic l'arrange bien. Expliqué, là. Karadzic, c'est le méchant serbe. Ah oui, alors lui, Milosevic, c'est le bon. Bah forcément. Et pour un homme qui a déjà tant à se reprocher, c'est bien pratique. Car un jour, il pourrait être amené à rendre des comptes. Enfin, passons. En cette deuxième moitié donc de l'année 1994 et au début 1995, la situation militaire évolue au détriment des Serbes bosniaques. Et c'est essentiellement dû à l'aide états-unienne qui a permis de renforcer la petite armée bosniaque. Le succès, alors, commence à changer de camp. Oui, mais les atrocités sont loin d'être terminées. Les Serbes entreprennent de liquider les zones de sécurité mises en place par les casques bleus. Et bientôt, en juillet 95, ce sera l'horreur de Srebrenica. Je n'y reviens pas, car nous avons consacré un long entretien à cette dramatique affaire. Je vous rappelle simplement que dans ce drame, la France a sa part de responsabilité. La France, la Hollande, mais aussi Izetbegovic, qui, en ne renforçant pas la défense de la ville, a peut-être voulu créer un choc dans l'opinion publique internationale. Un choc qui aboutirait enfin à pousser les Occidentaux à user de la force contre les Serbes de Bosnie? Bah, c'est en effet une hypothèse. Et puis il y a l'épisode de la prise en otage des casques bleus après une première frappe aérienne de l'OTAN. Et encore, le bombardement meurtrier du marché de Sarajevo. Autant de faits qui exaspèrent les Occidentaux et pousse la France et la Grande-Bretagne à mettre sur pied une force d'action rapide qui va pilonner les positions serbes autour de Sarajevo. Et ensuite, ce sera à l'OTAN d'intervenir militairement. Et de mettre fin au siège de Sarajevo. Hein. Mais aussi de forcer à la capitulation les troupes de Mladic et Karadzic. En même temps, les Croates s'emparent sans coup férir de la Krajina, conquise par les Serbes 4 ans plus tôt. Et procède aussitôt à une purification ethnique en sens inverse. Ah, c'est en expulsant les Serbes. Et à nouveau, on parlera à ce propos de crimes de guerre. Hein. Et en particulier d'un certain Ante Gotovina, qui, après avoir fait ses premières armes en France, dans le grand banditisme, deviendra général dans l'armée croate et sera plus tard déféré devant le tribunal pénal international. Mais peut-être qu'on en reparlera un jour. Comme on évoquera aussi l'aventure des deux pilotes français tombés sur le territoire de la République Srpska et qui seront délivrés dans des mystérieuses circonstances. En attendant, poursuivons. Ouais. Alors, la guerre est donc terminée. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan? Sur le plan humain, c'est une catastrophe sans nom. Des dizaines et plus vraisemblablement des centaines de milliers de personnes ont péri. Et des millions d'autres ont été déplacés. Sur le plan territorial, la Bosnie est divisée en deux. Les Serbes, qui ont beaucoup reculé, n'occupent plus que la moitié de la République. Et sur le plan politique? Bah, s'il y a un vainqueur évident, c'est Washington. Oui, parce que les États-Unis ont réussi à remettre en selle l'OTAN. Et qui vont ensuite jouer un grand rôle dans l'élaboration des accords qui suivront et seront d'ailleurs signés chez eux. À Dayton, c'est ça. Hein? Tout à fait. Ensuite, et malgré la défaite du camp serbe et de ses amis, Karadzic et Mladic, qui ont dû fuir, l'autre vainqueur, c'est Milosevic. Et ça, c'est un peu paradoxal, quand même. Pas tant que ça, je vous explique. Les accords de Dayton vont formaliser la division de la Bosnie-Herzégovine, et donc l'existence d'un bloc serbe homogène. Ethniquement homogène, je veux dire, et adossé à la République de Serbie. Seule réserve, cette entité serbe doit composer avec l'autre l'entité croato-musulmane dans un certain nombre de domaines administratifs, commerciaux ou monétaires. C'est-à-dire qu'on a voulu à Dayton maintenir la fiction d'une Bosnie-Herzégovine unitaire. Mais hybride. et qui ne doit la paix qui prévaut aujourd'hui qu'à la présence sur son territoire de 60 000 soldats d'une force d'interposition, l'IFOR. Ça relativise quand même la victoire de Milosevic, hein? Un peu, certes, mais à Dayton, il est apparu comme le faiseur de paix. Et on a oublié un petit peu vite, à mon avis, les horreurs de la guerre, les viols, les déportations, et enfin, il reste. Encore une fois, la communauté internationale s'est couchée. Oh, écoutez, elle se rattrapera tout de même avec la création plus tard du tribunal pénal international. Bon, ça, je vous le concède, mais bientôt, vous le savez, Milosevic va sérieusement écorner son image de faiseur de paix en accentuant la répression au Kosovo, là où tout a commencé en juin 89. Avant d'évoquer l'affaire du Kosovo, un mot sur la situation politique intérieure de la Serbie avant et après la guerre de Bosnie. Voici ce qu'écrit Paul Garde, un éminent spécialiste de la région. Un mot avant. La République fédérale de Yougoslavie n'est plus alors composée que de la Serbie et du petit Monténégro. Le pouvoir de Milosevic est fermement assis. L'opposition est bruyante mais divisée et totalement inefficace. Au début de la guerre de Bosnie, en 1992, un contre-pouvoir a paru émerger quand, à Slobodan Milosevic, président de Serbie, s'est opposé le premier ministre de la République fédérale de Yougoslavie nouvellement créée, Milan Panic, homme d'affaires serbe installé aux États-Unis. Mais celui-ci a été rapidement écarté. La plupart des opposants, tout en contestant le pouvoir de Milosevic, sont aussi nationalistes que lui, certains le sont plus, et il peut jouer les uns contre les autres. Beaucoup ne lui ont pas pardonné d'avoir signé les accords de Dayton, on lui a reproché d'avoir sacrifié les intérêts serbes. Au cours de l'hiver 96-97, la Serbie est agitée par des manifestations massives qui durent 3 mois entiers. Les opposants, réunis dans la coalition Ensemble, protestent contre les fraudes électorales qui les ont privés de la victoire dans de nombreuses villes, dont Belgrade. Ils obtiennent satisfaction sur ce point, mais aussitôt après, la coalition se divise à cause des dissensions entre ses deux principaux leaders, Zoran Dindic et Vuk Drašković. Milosevic associe à son pouvoir le parti radical ultranationaliste de Vojislav Čečulji. Bientôt, Drašković lui-même, l'opposant de toujours, haut en couleur et fort apprécié dans les capitales occidentales, finit par entrer lui aussi au gouvernement. Paul Garde est l'auteur de « Vie et mort de la Yougoslavie » paru chez Fayard. Après Dayton, Milosevic remporte une autre victoire diplomatique à l'initiative de la France qui ne peut décidément pas oublier ses sentiments pro-serbes. Les Occidentaux décident de rouvrir leur ambassade à Belgrade. Donc ça signifie de fait la fin de l'embargo décidé par la communauté internationale. Et cet acte reconnaît donc l'appartenance du Kosovo à la République fédérale de Yougoslavie. Ça signifie donc que si les Occidentaux décident un jour d'intervenir au Kosovo, ils pourront être accusés d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est exact, oui. Alors justement, comment évolue la situation au Kosovo pendant toutes ces années de guerre ? Bien, le Kosovo, dont je vous signale entre parenthèses qu'il n'a nullement été évoqué à Dayton. Alors, le Kosovo pendant la guerre. Les Kosovars d'origine albanaise ont continué à subir la répression serbe en y opposant une résistance passive. Et ça correspondait à la position du principal leader kosovar, Ibrahim Rugova, qui prêchait une révolte pacifique à la Gandhi. J'ajoute qu'on a d'autant moins parlé du Kosovo pendant ces années que les Occidentaux avaient besoin de Milosevic. Afin d'aboutir à ces accords de paix en Bosnie. Tout à fait, oui. Donc, il ne fallait pas contrarier Milosevic en lui parlant du Kosovo. Eh bien, c'est malheureusement à peu près ça. Et c'est ignorer qu'une autre organisation nationaliste, l'UCK, vient d'être créée. Un mouvement de libération qui, considérant que le combat non-violent de Rugova est inefficace, est déterminé, lui, à lutter par les armes contre les Serbes. Un mouvement clandestin qui entend donc obtenir l'indépendance du Kosovo. Hein? Bien entendu. Et les gens de l'UCK commencent à faire parler d'eux peu de temps après la signature des accords de Dayton. Ouais, ça, c'est pas par hasard. Ils ont en effet l'impression d'avoir été oubliés. Et leur action revêt quelle forme ? Des attentats à la bombe contre des postes de police, par exemple, ou encore le saccage de voitures appartenant à des Serbes. J'ajoute que les militants de l'UCK sont aidés par leurs cousins albanais, qui se trouvent de l'autre côté de la frontière. L'État albanais, vous voulez dire? Oui, un État qui n'hésite pas à leur ouvrir des camps d'entraînement et à leur fournir des armes. Alors la tension monte. Et les actes de violence se multiplient. En 1996, l'assassinat d'un étudiant d'origine albanaise par un sniper serbe suscite de vives ripostes de l'UCK. Et un an plus tard, la sanglante répression d'une manifestation d'étudiants et de lycéens provoque de sérieux heurts entre la police et des groupes armés de l'UCK. Et il y a deux nombreux morts. Oui, ça ne peut qu'empirer. Bien évidemment, parce que je dois vous le rappeler, malgré les tentatives de colonisation, les Serbes sont largement minoritaires au Kosovo. Et seule la répression peut leur permettre de se maintenir dans ce territoire. Un territoire qui a aussi, faut le rappeler, une dimension fortement symbolique. Les Serbes croient en effet, à tort ou à raison, que le Kosovo est le berceau de leur patrie. Certains l'appellent même la vieille Serbie. Et par conséquent, pour cela, les Albanais sont des envahisseurs. Et il faut le souligner, Milosevic, qui joue encore sur le nationalisme serbe, est soutenu par la majorité de ses concitoyens. Et même par ses opposants, qui en rajoutent encore dans la ferveur nationaliste. Dans les premiers mois de 1998, les forces spéciales de la police serbe, suppléées par ces milices qui ont déjà semé la terreur en Croatie et en Bosnie, mènent toute une série d'attaques contre des villages supposés abriter les militants de l'UCK. Il s'ensuit des destructions de maisons, des massacres de civils, des viols, enfin bref, l'ordinaire d'une guerre coloniale. Et quelle est la réponse de l'UCK? Des dizaines de milliers d'Albanais descendent dans la rue. Et pour la première fois, ils osent scander des slogans favorables à l'organisation armée. Cette dernière se sent d'ailleurs de plus en plus forte et recrute à tour de bras. C'est si vrai que des dizaines de villages se déclarent territoires libres et se place sous l'autorité de commandant de l'UCK. C'est excessivement grave. Mais pour quelle raison? Parce que la jeune UCK, insuffisamment armée et organisée, n'est pas encore de taille à résister frontalement aux forces armées serbes qui pratiquent la politique de la terre brûlée et font en sorte de pousser les villageois à fuir le Kosovo. Avant le passage à l'action des forces aériennes de l'OTAN, 300 000 d'entre eux sont contraints à l'exil. Ouais, encore une nouvelle purification ethnique. C'est en effet le but recherché, oui. Mais peu à peu, l'UCK va s'aguerrir. Et il faut dire qu'elle reçoit une aide efficace. Encore l'Albanie? Non, les États-Unis. Enfin, pas officiellement, car l'UCK a d'abord été considéré comme une organisation terroriste. Et il est vrai qu'à Washington, on avait de bonnes raisons de se méfier. C'est surtout la personnalité du chef militaire de l'UCK, Agim Sekou, qui posait problème. Ce capitaine avait en effet combattu dans l'armée croate au début des années 90. Et selon certaines informations, il s'était rendu coupable de crimes de guerre contre les Serbes de la Kraïna. Il y avait donc de quoi se défier. Hein. En outre, on n'ignorait pas que ces indépendantistes avaient des liens avec la puissante mafia albanaise. En l'occurrence, à quel était l'intérêt des gangsters? Écoutez, dans une guerre, il y a toujours quelque chose à grappiller. Et notez-le bien que de l'autre côté, dans le clan serbe, il n'en allait pas autrement. Un seigneur de la guerre comme Arkan, qui s'est enrichi de façon éhontée pendant les guerres, était un voyou recherché par Interpol. Quoi qu'il en soit, au Kosovo, malgré toutes ces rumeurs malodorantes, c'est le réalisme qui l'a emporté. C'est-à-dire? Mais il était évident que les Occidentaux, en tardant à intervenir militairement, portaient une lourde responsabilité dans le drame bosniaque. Pire, ils avaient permis à Slobodan Milosevic de s'en sortir avec les honneurs. C'est lui qui avait allumé la mèche. Et propagé l'incendie, oui. Et voilà que ça recommençait. Les mêmes méthodes, le même nettoyage ethnique. Il fallait donc agir, et vite. Ouais. Mais avez-vous dit, l'aide américaine apportée à l'UCK n'est pas officielle, hein? Non, elle est confiée à des officines paramilitaires qui ont, au cours de la guerre de Bosnie, déjà contribué à aider efficacement les Croates et les musulmans. Composés la plupart du temps d'anciens officiers, ces entreprises discrètes peuvent, en outre, monter les coups tordus ou nouer des relations avec les organisations mafieuses sans compromettre leur gouvernement. Ouais, c'est bien pratique, hein? Évidemment. Il faudrait aussi parler d'un général états-unien à la retraite qui va jouer un rôle étrange dans cette affaire. Qui? William Walker, un ancien de la CIA, un officier qui a été étroitement mêlé aux opérations secrètes des États-Unis au Salvador. Un homme d'expérience. Assurément. Ouais. Et ce rôle étrange, alors? Washington a imposé Walker à la tête d'une mission de vérification au Kosovo. Une organisation créée par les Européens et chargée d'enquêter sur les événements du Kosovo. Sur le terrain, donc. Et avec l'accord Belgrade. C'était en fait une mission d'observation. Enfin, il semble bien que Walker n'en est pas resté là. Que voulez-vous insinuer, hein? Je suis persuadé qu'au Pentagone, on avait déjà décidé d'user de la manière forte pour régler la question du Kosovo. Et d'en finir éventuellement avec Milosevic. Et ce serait aussi une nouvelle façon d'engager l'OTAN. Afin de prouver son utilité. Et d'en faire un indispensable acteur dans les conflits internationaux. Oui. Un outil beaucoup plus efficace que les missions d'interposition des casques bleus de l'ONU. Des casques bleus qui sont rarement autorisés à ouvrir le feu, tant qu'ils ne sont pas directement attaqués. Et qui parfois, lorsqu'ils se sentent menacés, préfèrent vider les lieux, hein, comme à Srebrenica. Hein. Mais afin de justifier une nouvelle intervention militaire, les forces de l'OTAN, il faut préparer l'opinion publique et même diaboliser l'adversaire. Milosevic. Naturellement. Ouais. Milosevic qui pourtant avait déjà tout fait pour se diaboliser lui-même. Certes, mais enfin, ça ne suffisait pas. Il fallait franchir un pas supplémentaire. Et c'est là qu'est peut-être intervenu le général Walker. Ici, je voudrais citer deux auteurs, Pierre Biarnès et François Tual, qui ont écrit chez Ellipse pour l'Empire du Monde. Voici ce qu'ils écrivent en 2003. En Occident, les Américains, tout à leur entreprise de réhabilitation de l'OTAN, qui retrouvait dans les Balkans une nouvelle raison d'être, avaient décidé d'en finir avec Milosevic et tout ce que, stratégiquement, il représentait au-delà même de ses excès, l'héritage d'une alliance objective et pluriséculaire avec la Russie orthodoxe puis communiste, malgré de nombreuses vicissitudes. Par l'intermédiaire de représentants à l'étranger, en Turquie, en Suisse, en Belgique et surtout en Allemagne, de ces clans traditionnels albanais souvent mafieux, les Aigles Noirs, les Chipetards, d'où était issu le gros de l'UCK, leurs agents prirent en main celle-ci, contribuant de façon décisive à son entraînement et à son équipement, comme il venait de le faire avec succès en Bosnie, au bénéfice des Croates et des musulmans. Les Américains jouèrent aussi, jusqu'à la fin du conflit, un rôle majeur dans le conditionnement de l'opinion publique internationale à partir de coups tordus. Des coups tordus, on y vient avec Monsieur X. Ici, je voudrais faire preuve de la plus grande prudence. Ça ne vous ressemble guère. Ça. Écoutez, quand j'ai pas de certitude, je prends des précautions. Mais il faut avouer que l'affaire du massacre du Ratchak en janvier 1999 est quand même bien mystérieuse. De quoi s'agit-il ? Ratchak, 2000 habitants, est l'un de ces villages kosovars auto-libérés, placés en principe sous la protection de l'UCK. Pourquoi en principe ? Écoutez la suite. Dans les jours qui ont précédé le massacre, plusieurs policiers serbes de la région ont été abattus. Il était donc à craindre que les forces armées de Belgrade ne cherchent à se venger sur ce gros bourg où stationnaient de nombreux militants de l'UCK. Et effectivement, les indépendantistes ont pris les devants en procédant à une évacuation de la plupart des civils et de la plus grande partie de leurs hommes en armes. Mais si je vous ai bien compris, alors l'évacuation n'a pas été totale. Non, non. Une quinzaine de défenseurs de l'UCK seraient restés et une cinquantaine d'habitants auraient refusé de partir. Je remarque que vous utilisez le conditionnel, hein. Oui, car c'est le point le plus épineux, le plus incompréhensible aussi. Pourtant que les observateurs du général Walker se trouvaient près de ce village et avaient certainement averti les habitants qu'une attaque serbe de grande envergure se préparait. Par conséquent, une évacuation totale aurait été plus raisonnable. Oui, à moins que... Que voulez-vous dire, là? À moins que ces gens qui sont restés à Tchak n'aient été délibérément sacrifiés, afin que leurs dépouilles témoignent de la férocité des forces serbes. Vous y croyez? Rien n'est impossible. N'a-t-on pas dit qu'en Bosnie, certains bombardements meurtriers auraient été en réalité des attentats des musulmans destinés à émouvoir l'opinion internationale? En tout cas, dans l'affaire de Ratchak, qui n'est toujours pas réellement élucidée, j'observe que le général Walker arrive sur les lieux dès le lendemain et découvrant devant les médias la fosse commune où ont été jetées les victimes. Il parle aussitôt de crimes contre l'humanité. Ah ouais, aussitôt. Bon, alors là, je vous laisse juger, mais il y a aussi une autre version. Alors quoi ? Une version qui correspond à la thèse. C'est Alors qui est quoi, là ? Les forces de police n'ont tué aucun civil, seulement des combattants de l'UCK. Et cette version, alors ? Il y aurait eu mise en scène. Les cadavres seraient ceux des gens de l'UCK, mais ils auraient tous été dépouillés de leurs uniformes et jetés dans une fosse pour faire croire à un massacre de civils. Et effectivement, une commission d'enquête européenne, présidée par une Finlandaise, a conclu en ce sens. Mais son rapport a été très vite oublié. L'image du charnier était la plus forte. Désormais, Milosevic était un nouvel Hitler. Ce qui n'était pas tout à fait faux, vous en conviendrez. Sans doute, mais pour le prouver, on n'avait peut-être pas le droit d'altérer la vérité. Quoi qu'il en soit, après cet étrange massacre, tout va très vite. Le groupe de contact qui a déjà joué un rôle si important lors de la crise bosniaque convoque Milosevic à Rambouillet en février 1999 et lui enjoint d'entamer de nouvelles négociations avec la faction la plus modérée du camp albanais. Oui, le parti de Rugova. Oui, et en même temps, il doit accepter la présence de 2000 vérificateurs européens au Kosovo. Réaction de Milosevic ? C'est un refus catégorique. D'autant qu'il vient justement de virer du Kosovo le chef de ses vérificateurs. Ah, ce général Walker, dont on a parlé. Le leader serbe n'a en effet pas apprécié les propos tenus par l'Américain à la suite de l'affaire de Ratchak. Ouais. C'est donc l'échec. Et l'épreuve de force devient quasi inévitable. Mmh. C'est-à-dire les frappes aériennes des forces de l'OTAN. Hein. Et curieusement, Milosevic, bravade ou aveuglement, ne semble pas les craindre. Et sans doute se dit-il que Saddam Hussein, malgré sa défaite lors de la première guerre du Golfe, a réussi à se maintenir au pouvoir. Et l'exercice du pouvoir, c'est d'abord ce qui compte pour lui. D'autant qu'il sait que la Serbie est presque tout entière rassemblée derrière lui dans cette épreuve de force. Moins d'un an plus tôt, il a fait approuver par référendum son action et son refus de voir les étrangers s'immiscer dans une question, celle du Kosovo. Qui ne relève que de Belgrade. Alors, il se moque de l'ultimatum. Et peut-être espère-t-il qu'une intervention de dernière minute de son grand ami russe dissuadera les Occidentaux d'attaquer. Quoi qu'il en soit, et malgré la grave menace qui pèse sur lui et son pays, il se lance dans une folle course en avant. Et puisque pour les Serbes, le problème du Kosovo, c'est la présence des Albanais, eh bien, il va tout faire pour les éliminer. Soit en détruisant leur village, soit en les chassant par la force. Et en faisant toujours usage de la terreur. Bien sûr. Je crois vous l'avoir dit, 300 000 Albanais ont déjà fui. Pour les nationalistes serbes, c'est bien sûr insuffisant. Et la police, l'armée et les paramilitaires vont redoubler d'efforts pour chasser ces indésirables. Alors même qu'après une ultime et vaine médiation du diplomate états-unien Richard Holbrook, l'OTAN a commencé à bombarder la Serbie. Donc pendant les bombardements, la purification ethnique se poursuit. Et elle s'intensifie, ce qui pose une grave question. Les bombardements n'ont-ils pas aussi poussé Milosevic à entreprendre cette vaste opération de nettoyage ethnique? Et pourquoi les Occidentaux n'ont-ils pas prévu cette réaction? En tout cas, Milosevic agit comme s'il croyait qu'en faisant disparaître l'objet du litige, c'est-à-dire les Albanais, la paix se rétablirait naturellement. C'est un raisonnement monstrueux. Hein. Et dément. Parce que les télévisions retransmettent les images de cet exode forcé. Ces pauvres gens qui ont tout abandonné et franchissent la frontière albanaise à pied ou sur des charrettes. Et puis il y a aussi les camps de réfugiés installés tant bien que mal aux frontières de l'Albanie ou de la Macédoine. Un spectacle désolant qui ne fait qu'accroître le discrédit dans lequel est tombé Milosevic. Mmh. Combien de Kosovars albanais ont-ils alors fui leur pays ? On a évoqué le chiffre de 900 000. Pour autant, et malgré les nombreuses exactions commises par les forces serbes, et tous ces supplétifs sans foi ni loi, on ne peut pas parler de génocide. Milosevic ne voulait pas les anéantir physiquement. Il désirait simplement que tous ces Albanais débarrassent le terrain. Eh bien. Et pour éviter d'éventuels retours, ces policiers ont reçu ordre de détruire leurs papiers d'identité. Oui, alors, quand même, de l'autre côté, hein, il y a les bombardements quotidiens des missiles et des avions de l'OTAN, des frappes prétendument chirurgicales, mais qui n'en font pas moins beaucoup de dégâts et des morts dans la population serbe. Le côté chirurgical des frappes, c'est de la propagande, vous ne l'ignorez pas. Et puis rappelez-vous, même l'ambassade chinoise sera frappée. Et ça provoquera un vif incident entre Washington et Pékin. Ouais, on a dit que ce bombardement ne devait peut-être rien à la maladresse. Hein. C'est vrai. C'était peut-être un avertissement adressé aux Chinois qui avaient pris position contre l'action armée de l'OTAN. Enfin, passons. On comptera 2000 morts chez les civils. Et c'est déjà beaucoup trop. Donc, les deux tragédies ne sont pas comparables. Et les effets des terribles bombardements de l'OTAN ne susciteront pas dans l'opinion internationale une compassion comparable à celle du spectacle de ces centaines de milliers d'Albanais chassés de chez eux par la violence. Et d'abord parce que les appareils de l'OTAN, dont les trois quarts sont américains, frappent en priorité les objectifs militaires ou stratégiques. Non, pas toujours. Devait-on, par exemple, détruire des ponts ? Bon, je suis d'accord, mais dans l'esprit des stratèges de l'OTAN, il s'agissait de démoraliser la population et de la conduire à se désolidariser de Slobodan Milosevic. Toutefois, il a fallu attendre 2 mois avant qu'on observe les premières manifestations d'hostilité à l'égard du président serbe. Mais comment expliquer que Milosevic ait pu tenir aussi longtemps avant de capituler ? Les bombardements ont en effet duré exactement 78 jours et on a totalisé 30 000 sorties d'avions. Sans compter les missiles. Alors, pourquoi Milosevic a-t-il résisté ? Bon, je crois qu'il a longtemps cru que les Russes mettraient le holà. Mais l'URSS n'existait plus et avait perdu son statut de grande puissance. En outre, les Russes avaient bien trop besoin de l'Occident pour rétablir son économie. Alors, oui, Milosevic s'est entêté, quitte à ruiner son pays. Et après avoir capitulé, en juin 1999, il va être obligé d'accepter tout ce qu'il avait refusé 5 mois plus tôt à Rambouillet. Et les troupes serbes ont reflué du Kosovo. Et laissé la place aux forces de l'OTAN. Et aussi un bataillon de pararusses qui prendra même de court les Occidentaux à Pristina, la capitale du Kosovo. En effet. En tout cas, Milosevic demeurera encore au pouvoir une bonne année, puis il sera arrêté et livré au tribunal pénal international. Alors, quelles leçons tirer de tous ces événements dramatiques? Une fois de plus, après la Bosnie, c'est l'OTAN qui s'est imposé. L'OTAN qui, après le 11 septembre 2001, sera aussi amené à combattre en Afghanistan. L'OTAN, force de frappe de l'Occident, quoi. Et qui est une vitrine de plus en plus séduisante. Pour les ex-pays du bloc communiste, par exemple. Enfin, et ce sera ma dernière remarque, il faut bien observer que les nationalistes serbes, les plus farouches, vont bien vite oublier Milosevic et rejoindre les rangs des nouveaux gouvernants. C'en était fini de la statue du commandeur. Sous le titre « Milosevic, l'homme du malheur serbe », le journaliste du Monde, Daniel Vernet, évoque l'erreur des Américains qui pensaient avoir rapidement raison de Slobodan Milosevic. Et il écrit, je le cite, « Ils ont oublié Slobodan l'irrationnel, le petit Slobo de Pozarevac, le fils du théologien orthodoxe qui, une fois par semaine, haranguait dans un champ d'étranges pierres semblables à des hommes en marche, a fini par croire à ses délires nationalistes. Il joue son va-tout dans une aventure où il venge les ancêtres et se hisse au niveau du héros légendaire Milos Obilić, qui aurait tué le sultan turc sur le champ des Merles. Il croit sans doute que, en majorité, les Serbes partagent les mêmes fantasmes, puisqu'il leur demande, sans raison impérieuse, de perpétuer son pouvoir par une nouvelle élection. Il se trompe. La magie du verbe n'agit plus. La peur de la répression est inefficace. La force de l'opposition dépasse ses capacités pourtant démesurées de manipulation. Il est placé devant un choix. Ou se démettre, ou tirer ses dernières cartouches contre un peuple dont il aura précipité le malheur. On connaît la suite. Milosevic sera chassé par les siens. Et grâce aussi aux dizaines de milliers de dollars généreusement alloués au chef de cette révolution de velours qui fera ensuite école en Géorgie puis en Ukraine.